Le voyage d'une reine par Eugène Guinaud. Par une froide et pluvieuse journée du mois d'avril 1791, une chaise de poste, attelée de 4 chevaux, courait sur la route de Lons-le-Saulnier à Besançon. 2 femmes étaient dans cette voiture, l'une, grande, belle, d'une tournure élégante, d'un visage plein de noblesse, occupait seule le fond, et sur le devant était assise une jeune personne dont la toilette et le ton annonçaient une femme de chambre ou une demoiselle de compagnie. « Quelle heure est-il ? » demanda la maîtresse à la suivante. « 4 heures. »« Nous n'arriverons jamais. Ces potions sont d'une lenteur. La route est affreuse. » »« Maudit retard. J'étais sûr que mes nerfs me joueraient quelques mauvais tours. Retenu 3 jours à Lons-le-Saulnier, malade et hors d'état de continuer ma route, moi qui suis si pressé et qui ai de si graves motifs pour me hâter, et pour comble de malheur, être si malmené. » « Je crois vraiment qu'à chaque relais, on nous choisit exprès les plus détestables chevaux. »« Mais, madame, nous allons au galop, par malheur, car à chaque instant, ce sont de rudes chaos que votre inquiétude et votre impatience vous empêchent peut-être de sentir. Ce pays-ci doit être renommé pour ses ornières, et avec cela, le temps est fâcheux. Il pleut à verse. Je suis bien sûr que ce jeune homme qui nous suit trouve encore que nous allons trop vite. »« Comment, ce jeune homme est toujours là ?»« Oui, madame. » À une très petite distance de la berline et ne perdant pas un pouce de terrain. C'est un fort bon cavalier. Il faut que ce garçon soit bien désœuvré pour faire ainsi une promenade de 7 ou 8 lieues avec cet abominable temps. Dites plutôt, madame, qu'il est bien amoureux. Il est fou. Se mettre ainsi à la poursuite d'une femme qu'il n'a fait qu'entrevoir, à laquelle il n'a jamais parlé. Cela prouve que nous avons en province quelques bons restes de l'ancienne chevalerie, des têtes romanesques, des jeunes gens aventureux. Je voudrais bien voir nos galants seigneurs de Versailles et de Paris galoper de la sorte, par une pluie battante et sur un chemin à se rompre le cou. Ma foi, leur passion ne se donne pas tant d'exercice. Ils sont experts à débiter des faveurs et à conduire à l'aise une intrigue habilement ourdie. Mais assurément, ils ne feraient pas ce que fait cet honnête provincial. Et ils auraient bien raison, car à ce jeu, notre beau cavalier ne peut gagner qu'une courbature ou une flexion de poitrine, pauvre garçon. « Vous le plaignez, Suzanne. Vous aurait-il mise dans ses intérêts ?»« Vous me connaissez trop bien, madame, pour concevoir un pareil soupçon. Le chevalier ?»« Ah, c'est un chevalier. Ne vous l'ai-je pas dit ? Et d'ailleurs, avant de déchirer les lettres qu'il a osé vous écrire, vous les avez lues. Ils étaient signés. Il se nomme des Maillettes, et il tient à ce qu'il y a de mieux dans la province. »« Peste, voilà une conquête qui n'est pas médiocrement flatteuse. Il vous a vu entrer dans l'auberge de Lons-le-Saulnier. » Il était toujours là, quand vous mettiez la tête à la fenêtre, et le premier regard l'a rendu amoureux. Que voulez-vous, madame ? Il existe encore de ces cœurs prompts à s'enflammer, et vous ne devez être ni offensée ni surprise d'avoir inspiré une passion subite. Mais du moins, tu as été discrète. Tu ne lui as pas dit qui je suis. Tu sais que j'ai de bonnes raisons pour garder le plus strict incognito dans ce voyage. C'est pour cela que je n'ai voulu être accompagnée ni du duc de L, ni du marquis de C, ni d'aucun de mes fidèles serviteurs. Rassurez-vous, il n'en sait pas plus que les autres, et ce n'est pas sa faute, car il ne m'a guère épargné les questions. Je lui ai répondu simplement, comme à tout le monde, que vous appelez madame de Prinet et que vous voyagez pour votre agrément. Mais cela ne lui suffisait pas, et il a poussé la curiosité jusqu'à faire sonner une bourse pleine d'or, espérant que cette musique me rendrait plus communicative. Quand il a vu que ses offres blessaient ma délicatesse et que ma discrétion était intraitable, il s'est rejeté sur les conjectures. Sans doute, a-t-il dit, c'est une grande dame que les malheurs des temps et les troubles qui agitent la France forcent à se cacher et à fuir. Mais je la suivrai jusqu'au bout du monde. Vous verrez que cet écervelé finira par me compromettre. On s'arrêta pour changer de chevaux, et après un moment de silence, Suzanne reprit la conversation. Voilà, dit-elle, ce pauvre chevalier qui rôde autour du carrosse et qui se mouille avec une insouciance bien touchante. Il pleut toujours, répondit madame de Prinet. Puis elle ôta son gant, et d'une main admirablement blanche, faite à ravir et chargée de diamants, elle arrangea les boucles de ses blonds cheveux, rajusta la dentelle de son bonnet, et malgré la pluie, pencha un peu la tête hors de la voiture. Tant il est vrai que le zèle, le dévouement et l'opiniâtreté finissent toujours par voir leur récompense. « Où sommes-nous ? » demanda la belle voyageuse au postillon. « À vous. Et le prochain relais ? Jougne. Est-ce un bon endroit ? Certes, une ville de 7000 âmes et l'auberge du Lion d'Argent on en est comme dans un palais. Fort bien. Dans ce petit dialogue, la parole avait été pour le postillon et le regard pour le chevalier, car Madame de Prinet n'était pas une femme impitoyable. Après avoir accompli cet acte de charité, elle releva la glace de la portière. « Madame veut donc passer la nuit à Jougne ?» dit Suzanne. « Du tout. Nous continuerons notre voyage cette nuit. Vous savez que je dois être rendu demain matin à Besançon. Nous nous arrêtons seulement pour souper au Lion d'Argent, où l'on est comme dans un palais, et puis nous nous remettrons en route. Ma foi, tant pis pour le chevalier. » À peine les deux voyageuses étaient-elles installées à table dans cette fameuse auberge du Lion d'Argent, qu'un fonctionnaire, ceint de l'écharpe tricolore, entra dans la salle à manger, fixa sur Madame de Prinet un regard attentif et sembla comparer les traits de la belle voyageuse avec un signalement écrit sur une feuille de papier qu'il tenait à la main. Après cet examen, qui paraissait le préoccuper vivement, le fonctionnaire, qui n'était rien moins que le maire de Jougne, enjoignit aux voyageuses de lui montrer leur passeport. Madame de Prinet parut embarrassée. « Ne pourriez-vous pas, monsieur, nous épargner cette formalité? Tous nos papiers sont enfermés dans une de nos malles. « J'en suis fâché, » répondit sèchement le municipal, « mais personne ne peut être exempté de se soumettre à une formalité très importante dans le temps et dans le pays où nous sommes. On défera vos malles. » Et malgré les instances et la mauvaise humeur des deux dames, les malles furent détachées de la voiture et apportées dans la grande salle du Lion d'Argent. On ouvrit d'abord la plus grande, et quel ne fut pas l'étonnement du maire de Jougne en trouvant sous sa main un sac passablement volumineux plein de pièces d'or. « Qu'est-ce que cela ? » s'écria l'autorité stupéfaite. « Mais, monsieur, » répondit Madame de Prinet en souriant, « vous le voyez bien, ce sont des louis et des doubles louis. N'est-il plus permis d'en porter en voyage ?»« C'est selon. La somme me paraît un peu forte. »« Bah, une trentaine de mille livres tout au plus. »« 30 000 livres ? Ça sent furieusement l'émigration. Vraiment. Vous avez le nez fin, monsieur le municipal. »« Oh, vous avez beau affecter l'insouciance et parler sans façon, je ne suis pas de ceux que l'on trompe aisément. » « En effet, je vois qu'il n'est pas besoin de s'en mêler et que vous en acquittez fort bien de vous-même. « Trêve de raillerie, s'il vous plaît, madame. Je dois faire respecter le caractère des insignes dont je suis revêtu. Je vous prie de croire que je respecte tout cela très profondément. « Fort bien. Mais avec votre permission, je vais continuer à visiter cette malle. À votre aise, citoyen inquisiteur. » Le maire de Jougne allait répliquer, lorsqu'en soulevant une couche de linge, il vit briller de riches broderies. Il tira de la malle de robes couvertes de dorures et un manteau de velours fourré d'hermine et orné d'une agrafe en diamant. « Voilà, dit-il, des ajustements qui habillent à merveille mes soupçons. Et me ferez-vous du moins le plaisir de m'apprendre ce que vous soupçonnez ? Convenez d'abord que le nom de Prinet que vous avez fait inscrire sous le livre de l'auberge est un nom d'emprunt, je l'avoue. Cela me suffit et je n'ai pas besoin que vous m'en disiez davantage. Où est le mal à voyager sous un nom supposé lorsque l'incognito ne cache aucun coupable projet? C'est ce qu'il faudra voir. Terminons cette scène, monsieur. Je vais vous montrer mon passeport. Ou ce n'est pas la peine. Votre passeport ne signifie plus rien pour moi, et je vous dispense de me le montrer. Il vous a sans doute été facile de vous procurer de faux papiers. Mais tenez, voici de quoi confondre toute dissimulation et détruire le mystère. Vous essayez encore de vous environner. Et le municipal, qui tout en parlant n'avait pas cessé de fouiller le bagage des voyageuses, leva triomphalement ses deux bras en l'air. Il tenait d'une main une couronne et de l'autre un sceptre d'or. « Plus de doute maintenant, je sais qui vous êtes. Dites-le-moi donc, vous êtes Marie-Antoinette d'Autriche. La reine ? Oui, madame. Et vous vouliez émigrer en Suisse, mais je vous attendais. En vérité, vous saviez que la reine Marie-Antoinette devait fuir et passer par ici ? Certainement. On soupçonnait votre destin à Paris. On m'avait fait parvenir de bons avis, et vous voyez que ma surveillance ne s'est pas trouvée en défaut. Ah, vous pensiez peut-être nous échapper facilement, mais je faisais bonne garde, et j'accomplirai mon devoir jusqu'au bout. Au nom de la loi, madame, je vous arrête. Sans autre preuve. Celles que j'ai ne sont-elles pas complètes? Et si je vous réitérais la prière d'examiner mon passeport? Laissez donc un passeport d'emprunt comme le nom de Prinet. Ainsi, rien ne saurait ébranler votre certitude. Absolument rien. En ce cas, monsieur, je n'ai plus qu'à me soumettre. » Suzanne avait été plus d'une fois tentée de se mêler à la conversation, mais d'un geste impérieux, sa maîtresse lui avait commandé le silence. La reine et sa suivante furent logées dans le plus bel appartement du Lion d'Argent, avec deux sentinelles à leur porte. On battit leur appel, On convoqua tous les personnages influents de l'endroit, la garde nationale prit les armes, et les autorités locales s'établirent en permanence dans la grande salle de l'auberge. Dès que les notabilités de Jougne furent réunies, on délibéra sur ce qu'il y avait à faire dans une circonstance politique aussi grave. Un fougueux démagogue, le chef du parti des exagérés, prit le premier la parole et s'exprima en ces termes. « Citoyens, nous venons de faire une superbe capture. Mais comme le disait un fameux général de l'Antiquité, ce n'est pas tout de vaincre, il faut encore savoir profiter de la victoire. Dans peu de jours, les regards de la France entière seront fixés sur nous. Car désormais, Jougne est rangée au nombre des cités illustres dont le nom appartient à l'histoire. Élevons-nous donc à la hauteur de notre nouvelle position et sachons mériter les applaudissements de la nation qui nous contemplera bientôt. Que la sagesse de Caton et le patriotisme de Brutus nous inspirent, et que notre décision soit jugée digne d'être mise en parallèle avec les sublimes sentences de l'aéropage grec et du Sénat romain. Voici ce que je propose. Les patriotes de Jougne se formeront en bataillon sacré. Nous placerons Marie-Antoinette d'Autriche au milieu des rangs et nous la conduirons à la barre de l'Assemblée nationale. Chacun de nous portera un des insignes de cette royauté que nous avons arrêté dans sa fuite. Ce sceptre, cette couronne, ce manteau royal et tous ces oripeaux dorés qui blessent nos regards républicains. Nous déposerons ces dépouilles opimes sur l'autel de la patrie et nous reviendrons glorieusement dans nos foyers, après avoir reçu les félicitations de nos frères et les remerciements de la liberté. De plus, afin qu'il n'en coûte rien à la nation, je demande que les 30 000 livres saisies sur la fugitive soient employées aux frais de notre voyage. » Ce discours produisit une vive sensation, mais les modérés, qui gâtent toujours les plus beaux élans, firent prévaloir un autre avis. On décida séance tenante, à la majorité des voix, qu'il fallait attendre les ordres de l'Assemblée nationale. Sur ces entrefaites, le chevalier des Maillettes, que 2 ou 3 chutes avaient retardé, entra mouillé, crotté, défait et moulu à l'auberge du Lion d'Argent. Son premier mot fut pour demander si l'on n'avait pas vu passer 2 dames dans une berline jaune. À cette question, l'aubergiste le saisit au collet et le conduisit devant le comité. Le président procéda immédiatement à son interrogatoire. « Qui es-tu? Quel est ton nom ?»« Isidore des Maillettes. » « En quelle qualité es-tu attaché aux personnes que tu as demandées en entrant ici ?»« Je ne les connais pas. » »« Tu ne les connais pas et tu cours après la franque étrier ?»« Tu ne les connais pas et tu les cherches ?»« Mauvaise défaite, qui équivaut à des aveux positifs. » »« Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » »« Sans doute. » s'écria le chef des Jacobins de Jougne. « Cet homme cache son véritable nom et sa condition. Ce doit être quelque grand seigneur de Versailles, le prince de Lamballe, un Polignac, qui sait? Peut-être même le comte d'Artois, traîtreusement rentré en France. Fouillez-le !» On trouva sur le chevalier 4 louis, une montre et une lettre d'amour, pliée, cachetée et sans adresse. Cette lettre fut l'objet d'un profond examen. On chercha le sens politique et mystérieux des phrases galantes qu'elle contenait, mais ce fut une peine perdue, car le gouvernement de Jougne n'entendait rien à la science des interprétations. « Nous enverrons, dit le président, ce billet à l'Assemblée nationale qui probablement sera plus heureuse que nous et saura trouver la clé de ces tendres hiéroglyphes. Car le soi-disant des Maillettes ne peut nier que ce ne soit une missive dont il est chargé pour la reine. Quelle reine? Inutile de feindre, nous venons d'arrêter ici même Marie-Antoinette d'Autriche. Arrêter ici la reine Marie-Antoinette? Oui. Aussi, vous le voyez, la dissimulation est hors de propos, et ce que vous avez de mieux à faire dans votre propre intérêt, c'est de ne rien nous déguiser. Qu'avez-vous à nous dire sur le compte de notre captive? Moi, je ne l'ai jamais vue. Vous persistez donc dans votre absurde système, et vous déclarez de nouveau ne pas connaître la personne que vous demandiez en entrant dans cette auberge. Quoi? La voyageuse de la berline jaune? Cette dame blonde que je suis bête depuis Lons-le-Saunier, la reine de France? Oh mon Dieu! « Citoyen, reprit le président d'une voix formidable, je te soupçonne de vouloir te moquer de nous. Sais-tu bien que c'est là une prétention dont nous pourrions te faire repentir ?» Le chevalier n'entendit pas cette menace. Avant qu'elle fût prononcée, l'émotion lui avait ôté l'usage de ses sens. Le comité décida que, puisqu'on ne pouvait rien tirer de cet homme, il fallait se contenter de le retenir prisonnier. Quand le sort du chevalier fut ainsi réglé, le maire, suivi de ses conseillers, se rendit auprès de la reine pour lui faire savoir la détermination prise à son égard. « Notre secrétaire, dit l'orateur, rédige en ce moment une lettre pour l'Assemblée nationale. Vous resterez ici prisonnière jusqu'au retour de l'estafette qui partira dans une heure. « C'est bien, » répondit la reine. « Moi aussi, » j'écris à l'Assemblée nationale. « Voici ma lettre que vous aurez l'obligeance, messieurs, de faire porter avec la vôtre. Volontiers. » D'ici à ce que nous recevions une réponse de Paris, 36 livres par jour seront prélevés pour votre dépense particulière sur les 10 000 écus trouvés en votre possession et 24 livres pour la demoiselle qui vous accompagne et le jeune homme qui est venu vous rejoindre. Un jeune homme, dites-vous. Je gage que c'est ce malheureux chevalier des Maillettes. Tel est en effet le nom sous lequel il se présente. Mais nous ne sommes pas dupes de ce pseudonyme qui cache sans doute un des grands officiers de la couronne. Du reste, rien ne s'oppose à ce que ce personnage soit introduit auprès de vous, et si vous le désirez, on le fera monter dans votre appartement. « Je le veux bien, » répondit la reine, et elle ajoute avec un geste plein de noblesse. « Allez, messieurs !» Un instant après, Desmaillettes entra, pâle et tremblant. La reine le reçut avec une dignité toute gracieuse. Il se mit à genoux, prit la belle main qu'on lui tendit, et la toucha respectueusement de ses lèvres. « Votre Majesté, » dit-il, daignera-t-elle me pardonner la témérité de ma poursuite? Mon ignorance doit me servir d'excuse. Je vous pardonne, monsieur, et je ne veux voir dans votre conduite qu'un dévouement exalté pour ma personne royale. Mettez ce dévouement à l'épreuve, madame, et je braverai les plus grands dangers pour me rendre digne de votre clémence. Eh bien, chevalier, vous n'attendrez pas longtemps l'occasion de déployer votre zèle. La ville est en émoi, et la foule se presse sous les fenêtres de cette auberge. Faites éloigner ces gens qui m'incommodent avec leurs rumeurs. Le chevalier sortit et revint au bout d'un quart d'heure en disant « Reine, vous êtes obéie. L'attroupement est dissipé et ce n'a pas été sans peine. Mais enfin, avec l'appui des autorités soutenues par la garde nationale, je suis venu à bout de ces mutins et j'en étais quitte pour quelques bourrades. » « Voilà un service que je n'oublierai pas, » reprit la reine, « et j'espère qu'un jour je pourrai le reconnaître, lorsque, rendu à la splendeur de mon rang, il me sera permis de vous donner une place à ma cour. En attendant, je vous institue mon premier gentilhomme d'honneur, et à ce titre, je vous prie d'aller commander que l'on me serve à souper le plus promptement possible, car je me sens un appétit prodigieux. » « Quoi ? Dans un moment pareil, et après de si cruelles émotions, votre Majesté a le courage d'avoir faim ? Quelle grandeur d'âme ! L'âme n'est pour rien, je crois, dans cette affaire. Vous ferez mettre 3 couverts, un pour moi, un pour ma fidèle Suzanne, et un pour vous. Nous souperons tous les 3 ensemble. La différence des rangs doit s'effacer dans le malheur. L'étiquette de Versailles ne serait pas de saison aujourd'hui à l'auberge du Lion d'Argent. Ayez soin surtout que l'on n'oublie pas le vin de champagne. » Le repas fut charmant. La reine mit ses convives à l'aise en leur déclarant qu'elle prétendait bannir toute cérémonie et se distraire par de joyeux propos. Suzanne pria le chevalier de raconter son histoire, ce que le jeune franc-comtois fait avec beaucoup de naïveté. « Je suis de ce pays, » dit le chevalier, « et j'ai eu 22 ans, le lundi de Pâques. Mon père est mort au service du roi, et ma mère m'avait élevé pour l'église, car j'avais un frère aîné, mon frère Achille, qui devait soutenir dans les armes l'honneur et le nom de la famille. Par malheur, le pauvre garçon, qui était passablement querelleur, s'est fait tuer, il y a 4 ans, dans un duel. Alors je suis sorti du séminaire. On m'a ouvert le monde, et mon oncle Robert de Valbray m'a conseillé de me lancer dans toutes sortes d'équipées et de devenir aussi mauvais sujet que je le pourrais, afin de réparer le temps perdu et de me défaire de la mine, des idées et des façons que j'avais prises en étudiant la théologie et en servant la messe. « Si tu ne changes pas, me disait-il quelquefois, je te déshérite. Moi, j'ai fait de mon mieux. J'ai oublié le peu de science et de sagesse que l'on m'avait enseigné. Je me suis accoutumé à monter à cheval, à chasser, à boire, à blasphémer et à violer tous les commandements de Dieu. Chacun de mes péchés m'affermissait dans les bonnes grâces de mon oncle, qui est mort en me donnant sa bénédiction et en me laissant ses 10 000 livres de rente. Mais alors il était trop tard pour revenir à la vertu. J'ai continué à marcher dans la mauvaise voie et j'ai fini par m'attirer de méchantes affaires dans mes domaines, à propos de quelques paysans que j'avais battus et de quelques filles que j'avais enlevées. Aujourd'hui, depuis que les droits féodaux sont abolis, les gens des campagnes sont devenus intraitables. Se sentant soutenus, ils lèvent la tête. Que dis-je ? Ils lèvent la main sur ceux qui les auraient fait pendre il y a 10 ans, pour un mot de travers. Pouvais-je résister à une révolution qui force le roi lui-même à plier sous la loi ? J'ai quitté mes terres, et je suis allé m'établir à Lons-le-Saunier, mais comme je m'ennuyais dans cette petite ville, j'avais résolu de partir pour Paris, lorsque vous avez paru, mesdames. Alors, mes projets se sont évanouis. Je n'ai plus pensé qu'à une seule personne dont j'ignorais le rang. Vous êtes monté en voiture et je suis monté à cheval. Je vous ai suivi et je suis ici prisonnier avec vous. » Le lendemain matin, à l'heure où la reine se réveilla, Suzanne vint l'avertir que l'antichambre était pleine de visiteurs. « Ils sont là depuis la pointe du jour, dit-elle, et ils veulent assister à votre petit lever. »« Vraiment, Suzanne, mais ont-ils qualité pour cela ?»« Voyez, la liste de leurs noms. » C'était la fleur de la noblesse du canton qui venait courageusement rendre hommage à la royauté captive et persécutée. La reine reçut ses bons serviteurs avec une bienveillance touchante. Elle leur reprocha doucement de s'être compromis par une démarche imprudente qui pouvait ameuter contre eux les ennemis du trône. « Je vous remercie, leur dit-elle, et je me sens attendri par l'expression de vos sentiments généreux. Je n'attendais pas moins de la loyauté bien connue de ma brave noblesse franc-comtoise. Mais je ne veux point abuser de votre dévouement, et je ne souffrirai pas que vous vous exposiez à un véritable danger en restant plus longtemps auprès de moi, ou en revenant me voir. » La reine eut beau dire, elle ne put résister aux ailes et à l'enthousiasme qui l'environnait. Il y avait là dit aux Borot et leurs femmes qui voulaient absolument s'attacher à son infortune et lui constituer une cour dans l'auberge du Lion d'Argent. Bon gré, mal gré, il fallut entrer en accommodement avec ses opiniâtres courtisans du malheur, et pour se débarrasser des autres, la reine en choisit quatre qu'elle devait garder auprès d'elle jusqu'à son départ pour Paris. L'abbé de Blanzy, prêtre dissident, le baron de Moiret, vieux gentilhomme campagnard, la présidente du Ribois, veuve d'un président amorti au Parlement de Besançon, et mademoiselle de Casterville, nièce de l'abbé. Ces quatre personnages, avec Suzanne et le chevalier des Maillettes, formèrent la société de la reine, qui excita leur admiration par une grâce, une sérénité constante et une gaieté bien remarquable et bien étonnante dans les circonstances critiques où Sa Majesté se trouvait placée. Cependant, le maire et le comité de salut public de Jougne avaient soin d'envoyer chaque jour à l'Assemblée nationale un bulletin détaillé rendant un compte exact de l'emploi que leur prisonnière avait fait de son temps. « Aujourd'hui, disait le bulletin, la reine s'est levée à 10 heures. À midi, elle a dîné de fort bon appétit avec les personnes qui composent sa maison. Après avoir dîné, la reine a voulu être seule. Elle s'est promenée dans sa chambre avec agitation, en prononçant des paroles dont nous n'avons pu saisir le sens. L'ancien receveur des tailles, qui est un homme lettré, prétend que ce sont des vers. À 3 heures, la reine avait fait venir son monde auprès d'elle et a joué une partie de réversis avec l'abbé de Blanzy, la présidente du Ribois et mademoiselle de Casterville. À 5 heures, la reine a quitté le jeu, il s'est entretenu à voix basse avec le prétendu chevalier des Maillettes, puis la conversation est devenue générale. On a parlé de choses frivoles assez gaiement. À 8 heures, le citoyen de Moiret a fait une lecture à haute voix. À 9 heures, on a servi le souper qui s'est prolongé jusqu'à minuit. À minuit, la reine s'est retirée dans son appartement. Cet état de choses durait depuis 5 jours, lorsque le baron de Moiret, qui passait une partie de son temps hors de l'auberge du Lion d'Argent, prit la reine à part et lui dit « Tout est prêt pour votre évasion. Nos amis se sont réunis secrètement et 100 000 écus ont été mis à ma disposition. J'ai gagné vos gardiens et à minuit, une chaise de poste vous attendra au bout de la rue. Mes mesures sont prises pour que nous puissions sortir de la ville sans encombre et passer la frontière impunément. Demain, votre majesté pourra dîner à Fribourg. » « Non, répondit la reine, demain je partirai pour Besançon ou pour Paris, car c'est demain que doit arriver la réponse de l'Assemblée nationale et mon sort sera décidé. J'ai confiance dans l'événement et je ne veux pas fuir. Ce serait d'ailleurs amasser de nouveaux périls sur la tête de mes amis et vous avez déjà bien assez fait pour moi. » Un courrier extraordinaire étant arrivé de Paris, porteur de dépêche pour les autorités de Jougne, le comité s'assembla et manda la reine qui devait assister à l'ouverture de la lettre écrite par l'Assemblée nationale. Cette lettre, adressée au maire de Jougne, était ainsi conçue. « Citoyens, nous vous faisons savoir que Marie-Antoinette d'Autriche n'a pas quitté Paris, et nous vous engageons à laisser circuler librement votre prisonnière, Mademoiselle Saval, actrice du Théâtre français, qui est attendue à Besançon, où elle doit donner des représentations. »« Mademoiselle Saval !» s'écrièrent les notables de Jougne. « Et quoi, madame ? Vous nous avez mystifiés en vous laissant prendre pour la reine ?»« Messieurs !» répondit Mademoiselle Saval. « Je suis reine en effet, reine de Pont, de Palmyre, de Babylone, de Carthage, de Tyr et de 20 autres royaumes tragiques. » Est-ce ma faute si le maire de Jougne a pris le diadème de Melpomène pour la couronne de France? Vous vous êtes mystifié vous-même. Rien ne pouvait dissiper votre erreur passionnée. Je m'y suis soumise. Vous vouliez faire de l'histoire à votre profit et vous n'avez fait qu'une balourdise. Voilà tout. Je vous invite à être plus circonspect à l'avenir. Et avec la permission de l'Assemblée nationale, je vais faire demander des chevaux de poste. Renonçant à un rôle que j'ai joué malgré moi, je reprendrai demain mon répertoire et l'affiche de Besançon expliquera les causes de mon retard. Adieu, messieurs. » Après avoir débité cette vive apostrophe au comité révolutionnaire de Jougne, Mademoiselle Saint-Val retourna auprès de ses courtisans. « Je vous dois, leur dit-elle, la justification de ma conduite. En me laissant revêtir d'un titre que j'aurais vainement repoussé, je pouvais rendre service à l'auguste personne qui seule a le droit de le porter. Si la reine veut fuir, comme on le suppose, et si elle passe par ici, ai-je pensé, elle ne sera pas inquiétée par des argus qui ne la chercheront plus, croyant la tenir. Du reste, mesdames, vous n'avez pas dérogé en me faisant compagnie. Bien que j'appartienne au théâtre, un noble sang coule dans mes veines. Je me nomme Alziari de Roquefort, et ma famille est une des plus considérables de la Provence. » Puis s'adressant à Desmaillettes, elle ajouta, « Quant à vous, chevalier, pris au piège avec moi, vous apprendrez ce qu'il en coûte de courir étourdiment les aventures de grand chemin. Je vous ai promis une place à ma cour dès que je serai remonté sur mon trône. Je tiendrai parole. Ma cour est la Comédie française, et lorsque vous viendrez à Paris, je vous ferai placer aux premières loges. » Ainsi s'achève Le voyage de la reine par Eugène Guinaud.